franceinter.com. Que cache exactement la mystérieuse organisation terroriste Al-Qaïda Maghreb islamique, ACMI, responsable de l'enlèvement au mois de janvier de deux jeunes Français au Niger, morts au cours de la tentative de libération opérée par des forces spéciales. ACMI, qui a aussi pris en otage, en septembre 2010, toujours au Niger, sept personnes, dont cinq Français, employés sur le site d'extraction d'uranium d'Arlit. Mais trois d'entre eux ont été libérés il y a quelques jours. Sans doute parce que les terroristes ont jugé cyniquement qu'ils avaient moins de valeur marchande. ACMI, enfin, qui a vraisemblablement assassiné l'humanitaire Michel Germano, toujours en 2010. Cette structure terroriste, liée à Al-Qaïda, comme son nom l'indique, régnerait sur une vaste zone de plusieurs millions de kilomètres carrés, le Sahel. Là, dans un immense désert de sable et de rochers, elle pourrait procéder pratiquement en toute impunité à des exactions, mais serait aussi mêlée à de nombreux trafics qui ont de tout temps existé dans la région. En toute impunité, car les frontières n'y sont que virtuelles, et les pays qui bordent le Sahel sont parmi les plus pauvres du monde et ne disposent pas des forces armées capables de riposter. Devant cette impuissance, certains États, et d'abord la France, mais aussi les États-Unis, tentent de réagir et d'abord de surveiller cette zone grise qui pourrait même devenir, selon ce qu'affirmaient les généraux américains au temps de Bush, un nouvel Afghanistan. La semaine passée, M. Hicks nous a raconté la genèse d'ACMI, issu du GIA, le groupe islamique armé, qui a lui-même donné naissance au GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Autant d'organisations terroristes algériennes. Et d'ailleurs, les principaux émirs d'ACMI, comme ils s'appellent eux-mêmes, sont des Algériens, d'où le soupçon d'une manipulation d'ACMI par les services de sécurité d'Alger, qui ont joué un rôle trouble avec le GIA dans la décennie 90. Vrai ou fausse, cette implication ? La réponse dans quelques instants. We'll be right back. Un rappel d'abord pour vos auditeurs qui n'auraient pas écouté notre premier entretien. En 2003, et ce sera d'ailleurs l'acte de naissance publique du GSPC, une trentaine de touristes, en majorité allemands, sont enlevés alors qu'ils effectuent une randonnée dans le désert. Après plusieurs mois de captivité, ils sont libérés par l'armée algérienne. Ouais, dans des circonstances étranges. Oui, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est la suite qui est intéressante. Le responsable de cette opération terroriste aurait été un homme connu sous le sobriquet d'El Para. Oui, parce qu'il a été, enfin, c'est ce que j'imagine, parachutiste dans l'armée algérienne. Tout comme le créateur du GSPC, Hassan Attab. C'est sans doute comme ça que les deux hommes se sont rencontrés. Auparavant, au début des années 90, le sergent-chef Saïfi Lamari, son vrai nom, aurait été le garde du corps du ministre de la Défense, le très influent général Nezar. Puis il aurait démissionné et serait passé dans la clandestinité. Avec le GSPC, donc. Oui, et au début 2003, il aurait été le responsable de l'attaque d'un convoi militaire près de Batna. Une quarantaine de soldats y ont trouvé la mort. Une action revendiquée dans un document vidéo qui se révélera être un faux. Mais là, il faut remarquer que cet attentat meurtrier a eu lieu la veille de l'arrivée à Alger d'une délégation américaine venue justement proposer une coordination dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et s'il fallait prouver la réalité de la menace terroriste, ça tombait plutôt bien. En effet. Deuxième observation. Les autorités d'Alger s'empressent de présenter El Para comme un lieutenant de Ben Laden, chargé d'implanter Al-Qaïda dans la région. Et là aussi, ce n'est pas innocent. Parce que ça permettait à Alger de demander à Washington une aide matérielle pour lutter contre le terrorisme. Mais je poursuis. Début mars 2004, donc après la fin de la prise d'otage des touristes allemands, El Para et une cinquantaine de ses partisans sont attaqués et faits prisonniers par des rebelles tchadiens appartenant au MDJT, c'est-à-dire le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad. Ces hommes l'identifient rapidement comme étant ce dirigeant salafiste recherché depuis l'affaire des otages. Et que veulent-ils faire de ce prisonnier, là ? D'abord, disons que ces tchadiens sont des laïcs qui ne partagent pas l'idéologie d'El Para. Ouais, cependant, c'est un rebelle, hein, tout comme eux. Certes, mais c'est d'abord une belle prise. Ah oui, qu'ils pourraient monnayer. Pourquoi pas ? Et c'est El Para lui-même qui leur en donne l'idée. Il affirme qu'il connaît beaucoup de monde en Algérie et que ses amis pourraient payer très cher sa libération. Mais les Tchadiens ne veulent pas entrer dans son jeu. C'est avec le pouvoir algérien qu'ils veulent avoir affaire. Et effectivement, une délégation part pour Alger où elle est reçue par le chef du DRS, le tout-puissant général Médiane. Le DRS, il faut le rappeler, c'est l'ancienne sécurité militaire, pour simplifier. Oui, enfin, la grosse surprise, les délégués tchadiens ont la nette impression que les Algériens ne sont nullement pressés, ni même désireux, de récupérer El Para. Mais pourquoi alors ? Attendez la suite. Les Tchadiens, qui constatent au passage que les services algériens sont très au courant des pérégrinations d'El Para, il possède même son numéro de téléphone cellulaire. Ils auraient pu alors facilement le localiser. Ça, c'est aussi ce que je pense. Les Tchadiens s'adressent donc ensuite aux Allemands, qui ont lancé un mandat d'arrêt international contre El Para. Après la prise d'otage. Mais là encore, les Tchadiens ont l'impression que les Allemands n'ont guère envie de mettre la main sur El Para. Explication ? Je suis à peu près sûr qu'ils ont subi des pressions d'Alger, qui leur promettaient depuis longtemps la signature d'un gros contrat. Et ça n'est pas fini. Désireux de se débarrasser de cet encombrant prisonnier dont personne ne veut, les rebelles tchadiens font appel à la Libye. Ouais, mais est-ce qu'il est livré effectivement à Kadhafi ? Franchement, je n'en sais rien, tant cette affaire est confuse. Par contre, ce qui est pratiquement certain, c'est qu'El Para est réellement arrivé en Algérie, sans doute vers la fin 2004. Il est donc là dans les mains du DRS. Oui, et il aurait été consigné dans une caserne de Blida où toutefois, il serait libre de ses mouvements. Ça, c'est de plus en plus bizarre. C'est pas fini. En 2005, El Para est jugé. Et comme il ne paraît pas à la barre, il est condamné par contumace. Pour le tribunal, il est considéré en fuite. Alors que vous m'avez dit, il est consigné dans une caserne algérienne. Et lorsque le ministre de l'Intérieur sera interrogé à ce sujet par des journalistes bien embarrassés, ce représentant du gouvernement leur fera une curieuse réponse. Il ignore l'endroit où se trouve El Para. Mais il sait qu'il est en sécurité. Et notez-le bien, les Américains, qui auraient pu, eux aussi, avoir d'intéressantes questions à poser à ce redoutable terroriste islamiste, ne demanderont pas la possibilité de l'interroger. Mais vous avez bien sûr compris, une seule explication permet de dissiper tous ces mystères. Ouais, El Para est sinon un agent algérien, du moins un compagnon de route, Oui, enfin un agent double du DRS, oui. Mais de peu d'envergure. Et pour éviter qu'il ne soit désigné en tant que tel, bah, il fallait le mettre à l'abri. Ouais, d'où la suspicion qui pèse sur une manipulation du GSPC par les services algériens. Et comme Al-Qaïda Maghreb islamique, ACMI va succéder au GSPC. Cette suspicion pèse aussi sur cette organisation. Ah, et votre avis alors ? Bah, il faut d'abord observer que le chef en titre d'ACMI, Abdelmalek Drogdal, dirige l'organisation depuis son repère de Kabylie. Alors que les principales opérations d'ACMI ont pour théâtre le Sahel. Bah, les opérations connues, oui. Ouais. Car il y en a d'autres ? En Algérie même. S'il n'y a plus d'attentats terroristes à Alger, ça ne veut pas dire que le pays est débarrassé du poison islamiste. Et malgré certaines opérations d'envergure entreprises par l'armée algérienne, Drogdal résiste toujours. Oui. Donc le cœur d'ACMI se trouve toujours en Algérie. D'autre part, il faut bien dire que l'attitude des autorités algériennes prête souvent à confusion. Et c'est dans la nature de ce régime secret où les généraux corrompus font toujours la loi. Malgré Bouteflika, par conséquent. Parfaitement. Alors votre conclusion, une nouvelle fois, là ? Je ne pense pas que le DRS manipule directement ACMI. Mais à l'occasion, les autorités algériennes ne doivent pas être mécontentes de voir l'organisation terroriste nous infliger quelques mauvais coups. Nous, c'est-à-dire la France ? Ben, c'est bien ce que je voulais dire, car notre pays, on l'a bien vu cet an dernier, est une cible prioritaire pour ACMI. Mais si c'est vrai, alors, vous parliez de mauvais coups, là, quel est l'intérêt des Algériens ? Alger, qui entend être la plus grande puissance de la région, ne veut surtout pas que la France, l'ancien colonisateur de presque tous les pays de la zone sahélienne, n'intervienne dans ce qu'elle considère être son précaré. Ouais, le Sahara, donc. Et ça signifie que vous excluez la manipulation d'ACMI par Alger. Pourtant, nombreux sont les spécialistes, hein, journalistes ou experts qui pensent le contraire. Et puis vous-même, vous avez quand même donné des arguments en faveur de cette thèse. Je sais, et ponctuellement, c'est vrai, Alger doit faire le jeu d'ACMI. Ne serait-ce qu'en procédant à des manœuvres de désinformation ou en faisant de la rétention d'informations. Mais globalement, non, je ne crois pas qu'ACMI soit dans les mains des services algériens. Alors ce serait plus un pouvoir de nuisance qu'une véritable collusion. Je le pense. En outre, les autorités d'Alger ne doivent pas être fâchées de constater que ces terroristes algériens commettent des crimes ailleurs que chez eux. Alors, remontons à la source, c'est-à-dire au moment où le GSPC est devenu ACMI. Fin 2006, m'avez-vous dit, hein. Mais déjà, enfin, à plusieurs reprises, les chefs du GSPC avaient exprimé leur solidarité avec Al-Qaïda et Ben Laden. D'autant qu'à partir de 2003, les émirs du GSPC ont encouragé certains de leurs militants à rejoindre les bases pakistanaises ou afghanes de Ben Laden. Ouais. Le rapprochement était donc inéluctable. Et il a été précédé par l'envoi au Maghreb d'un envoyé de Ben Laden en 2002. Mais il aurait été intercepté par les Algériens et tué. Toutefois, l'acte fondateur a eu lieu en juin 2005. Le GSPC conduit une attaque spectaculaire avec 150 hommes contre une base militaire mauritanienne. 18 soldats sont tués. Fait étrange, les hélicoptères algériens qui survolaient la zone ont laissé faire. Autre curiosité, cette attaque massive s'est produite juste avant des exercices mixtes mauritano-maliens. Et pourquoi est-ce étrange ? Parce que ces exercices étaient le prélude à la création de ce que l'on va appeler l'Africom, c'est-à-dire une initiative états-unienne visant à coordonner la lutte antiterroriste entre tous les États de la région. Alors le GSPC a donc préalablement voulu exprimer son hostilité. Avec des méthodes semblables à celles utilisées par Al-Qaïda en Irak, oui. Cette opération militaire en Mauritanie a été appelée Badr dans un communiqué du GSPC, une référence à la première victoire du prophète Mahomet. Commentaire de Mathieu Guider, auteur de l'ouvrage Al-Qaïda à la conquête du Maghreb. Le communiqué se clôt sur un appel à la jeunesse islamique en Afrique du Nord pour rejoindre l'Algérie, terre de la préparation au djihad. Le chef du GSPC se veut aguicheur dans son appel. Venez apprendre les arts du combat et vous préparez à allumer le feu sous les pieds des mécréants et des renégats. Dans les semaines qui suivent, cet appel est largement diffusé et relayé sur les forums djihadistes. Il est accompagné d'une longue vidéo filmant les combattants ayant participé à l'opération Badr en plein désert mauritanien et algérien. Cette vidéo va avoir un réel impact sur les internautes et convaincre un certain nombre de Maghrébins de rejoindre les rangs du GSPC. Pour une fois, le combat se déroule hors du maquis algérien et prend des allures séduisantes selon la réaction de l'un des sympathisants du GSPC publié sur le site web du groupe. Et Guider de préciser que cette opération va donner lieu à la première réaction officielle d'Al-Qaïda à l'égard du GSPC. Rendez-vous avec X. Je vous l'ai dit, ce coup de force en Mauritanie est donc un acte fondateur. Et d'ailleurs, tout de suite après, alors que deux diplomates algériens sont assassinés à Bagdad par Al-Qaïda, l'émir du GSPC, Droukdal, approuve et annonce son intention de faire allégeance au chef de l'organisation de Ben Laden en Irak. En même temps, le GSPC multiplie les opérations meurtrières en Algérie. Il y en aura une centaine en 2006. Et quels sont alors les effectifs de l'organisation ? On estime que le GSPC regroupe 600 combattants, la plupart se trouvant dans leur sanctuaire de Kabylie. Il est évident que cette recrudescence d'activités terroristes est destinée à prouver aux dirigeants d'Al-Qaïda que le GSPC est un groupe sérieux qui mérite d'être accueilli. Et cette allégeance, alors, devient vraiment concrète à quelle date ? Le 11 septembre 2006, tout un symbole. À cette date, le bras droit de Ben Laden, l'Égyptien Al-Zawahiri, exprime dans une vidéo son souhait de voir le GSPC rejoindre Al-Qaïda. Et dans sa prose inimitable, le chef terroriste dit à peu près que le GSPC, devenu désormais ACMI, sera un os dans la gorge des croisés américains et français et qu'elle devra semer la peur au cœur des traîtres et des apostats de France. Oui, quel langage. Et la France, alors, qui apparaît alors clairement dans ce communiqué-là comme l'ennemi principal. Hein, oui, ouais. Oui. Et quels sont les premiers faits d'armes, enfin, si j'ose dire, d'ACMI ? Dès 2007, l'organisation terroriste, imitant les méthodes d'Al-Qaïda, principalement employée en Irak, perpètre une série d'attentats suicides en Algérie, mais aussi au Maroc. Ouais. L'appellation ACMI, alors, prend ainsi tout son sens. Hein. En Algérie, l'un de ces attentats kamikazes est particulièrement meurtrier. C'est le palais du gouvernement d'Alger qui est visé. 30 personnes sont tuées et plus de 200 sont blessées. Et puis toujours la même année, il y a un attentat qui nous touche plus directement. L'assassinat au mois de décembre en Mauritanie de 4 touristes français. Un quadruple meurtre qui n'a pas été revendiqué, mais où tout le monde a vu la main d'ACMI. Et c'est à la suite de ce drame que le rallye Paris-Dakar cessera d'être organisé en Afrique. Ouais, ce qui est quand même beaucoup moins important. Hein. Enfin, fondamentalement, quels sont les objectifs poursuivis par ACMI ? Mouvement salafiste, ACMI ne veut rien moins que créer un califat pan-islamique. Un rassemblement quoi, de tous les musulmans, à l'image de ce qui existait au temps glorieux de l'islam. Exactement. Ouais. Mais d'une certaine façon, alors, les émirs d'ACMI vont donc beaucoup plus loin que les mouvements islamistes traditionnels qui voulaient conquérir le pouvoir dans leurs pays respectifs, hein, et y instaurer la charia. Ah, puis il y a aussi les méthodes violentes d'ACMI qui tranchent avec les actions politiques généralement conduites par les partis islamistes plus ou moins légaux. Ouais. Mais je reviens aux objectifs, là. Pourquoi la France ou les Français sont-ils plus directement ciblés ? Oh, les raisons sont nombreuses. Des plus dérisoires, comme par exemple la loi sur le voile ou la burqa aux plus sérieuses, comme l'engagement de Paris en Afghanistan. Donc, les Français sont d'abord accusés de ne pas accorder à la pratique musulmane toute la place qu'elle devrait avoir. Ah, et même de stigmatiser les pratiquants en interdisant en France le port de la burqa. La présence française en Afghanistan, c'est autre chose. Mais il y a aussi le fait que la plupart des pays sahéliens ont été des colonies françaises où nous avons toujours de nombreux intérêts. L'uranium du Niger en particulier. Et puis les armées de ces pays pauvres sont généralement formées et équipées par des militaires français. Des armées dont la principale mission est justement de lutter contre les groupes terroristes. Ça fait donc beaucoup de motifs de s'en prendre à la France, ennemi prioritaire avant même le grand Satan états-unien. Ouais. Autre question, là, quelle est, enfin, autant qu'on puisse le savoir, hein, la structure d'ACMI ? Attendez, avant d'en venir là, il faut que je vous parle d'un événement qui est en relation directe avec votre question. En novembre 2009, ACMI, basé en Kabylie, bascule une grande partie de ses effectifs dans le Sahel. Et afin d'y mener, ce que j'imagine, des opérations plus fréquentes. Hein. Toutefois, l'émir en chef, si je puis m'exprimer ainsi, demeure en Kabylie. Ah, Drogdal. Oui, ouais. Et il continuera à y commettre des actions ponctuelles, mais sans commune mesure avec le passé. Bah, ça, c'est tout bénéfice pour Alger. Hein. Bien entendu. Et c'est une reconversion très intéressante. Parce que ces Algériens, qui ne sont pas des hommes du désert, vont très vite adopter le mode de vie des nomades qui y vivent. Et il va se créer des liens entre les tribus et les djihadistes. Oui, la semaine passée, vous avez même parlé de mariage hein, entre les gens d'Acmi et les populations nomades. C'est juste. Et forcément, les combattants d'Acmi vont avoir à connaître des trafics qui se déroulent dans la région. Et ils vont en profiter, eux aussi ? Naturellement. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont devenir eux-mêmes des trafiquants ? Un peu plus compliqué que ça. L'un des émirs, mais enfin je vous parlerai de lui bientôt, était déjà réputé pour être un trafiquant de cigarettes. Mais le trafic le plus rémunérateur, c'est bien le trafic de drogue, cannabis ou cocaïne. De la cocaïne qui vient d'où ? Alors d'Amérique du Sud. Et qui transite par le Sahel avant d'être acheminée en Europe ou de l'autre côté de la mer Rouge, en Arabie Saoudite. Mais ce trafic de drogue est interdit par l'islam. Aussi, très hypocritement, les dirigeants d'Acmi vont-ils se contenter de percevoir des taxes sur ce commerce clandestin ? Ah, alors sans se compromettre matériellement. D'à peu près ça, oui. Et notez-le bien, ces taxes représentent la ressource principale d'Acmi, bien avant les rançons perçues pour les prises d'otages. Et des rançons qui, pourtant, sont aussi très rentables. Quoi qu'il en soit, tout ça signifie qu'Acmi dispose de revenus confortables qui lui permettent d'acheter des armes, des véhicules et des moyens de communication très sophistiqués. Alors maintenant, bon, je réponds à votre question sur l'organigramme de ce groupe terroriste. En principe, le chef, c'est ce Drogdal. Oui, mais il est installé dans son repère de Kabylie. Hein. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il était en principe le chef. Car les autres émirs, eux, se trouvent dans le Sahel. Ouais. Et loin de Drogdal. Donc ils sont tentés d'agir sans forcément tenir compte des ordres et des directives de Drogdal ? Oh bah, c'est évident. La distance, c'est parfois bien pratique. Et il est certain que les deux adjoints de Drogdal ont tendance à devenir autonomes et à s'affranchir de l'autorité de l'émir en chef. Pourtant, adoubé par Al-Qaïda par la voix de son numéro 2, Al-Zawahiri. Ouais. Et pas par Ben Laden, hein ? Bah, pour cela, il faudrait qu'Oussama Ben Laden soit encore de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez dire, là ? Vous avez très bien entendu. Plus le temps passe et plus je suis enclin à penser que Ben Laden est mort ou moribond. Mais bien sûr, je ne détiens aucune preuve. Pourtant, à plusieurs reprises, Ben Laden s'est exprimé. Oui, enfin, dans des messages audio. Et des services secrets ont authentifié sa voix. Peut-être. Bon, enfin, il y a certainement aujourd'hui des moyens techniques pour fabriquer de faux, vrais messages de Ben Laden, en se servant en particulier d'extraits de sa vraie voix. Cependant, j'ai d'autres raisons de penser que le chef d'Al-Qaïda est mort. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Nous revenons tout de suite sur cette dernière assertion de Monsieur X. Auparavant, ceci. Le juge antiterroriste Marc Trévidic publie dans son ouvrage « Au cœur de l'antiterrorisme » un communiqué d'Al-Zawahiri de septembre 2007, renouvelant son soutien à ACMI et affirmant que la reprise de l'Andalousie faisait aussi partie de la mission des croyants. Et il ajoutait « Les Moudjahidines ne pourront y parvenir qu'en nettoyant le Maghreb de l'islam des fils de la France et de l'Espagne qui y sont revenus de nouveau après que vos grands-mères et grands-pères eurent sacrifié leur sang pour Allah afin de les chasser. » Commentaire du juge. Sans verser dans la paranoïa, il est donc assez logique de conclure que ACMI représente une menace contre la France. Cela ne signifie pas qu'il soit totalement exclu qu'un attentat sur le sol français, exécuté sous les couleurs d'Al-Qaïda, le serait nécessairement par ACMI. Mais c'est le plus probable. Depuis le temps qu'elle nous menace, il est surprenant qu'aucun attentat n'ait été commis sur le sol français. Est-ce un signe de faiblesse d'ACMI ? Est-ce la preuve d'une efficacité remarquable de nos services spécialisés? Sans doute les deux. Nous avons déjoué des attentats, certes, mais ce furent toujours des actions de moyenne ampleur, des projets assez peu organisés. Alors, selon vous, Ben Laden serait mort? Voyez-vous, ce qui fonde ma conviction, c'est que, justement, depuis 4 ans, on ne voit plus le créateur d'Al-Qaïda. On n'entend que sa voix. Or, le numéro 2 de l'organisation, Ayman al-Zawahiri, alors lui ne se prive pas d'enregistrer des vidéos que diffuse généreusement la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Alors pourquoi pas Ben Laden? Son apparition à la télé aurait un impact autrement plus important que celle de son numéro 2. Bah, il lui est peut-être, impossible d'être filmé. Une incapacité physique, une grave maladie. Bon, oui, c'est possible, je ne l'exclus pas, mais il est plus probable qu'il ait décédé. Alors, tué par l'un de ces drones américains là, qui s'abattent sur les zones tribales du Pakistan où il s'est peut-être réfugié? Non, je ne crois pas. Parce que s'il avait disparu dans ces conditions, Al-Qaïda se serait empressé d'en faire un martyr. N'oubliez pas qu'on évoque depuis longtemps son affection rénale. Une maladie qui a peut-être fini par l'emporter. Enfin, inutile d'aller plus loin puisqu'il ne s'agit que d'hypothèses. Je vous ai simplement exposé ma conviction. Bon, enregistré. Alors revenons à ACMI et à ces deux émirs là basés dans le Sahel. Des chefs qui sont chacun à la tête de ce qu'ils appellent une katiba, c'est-à-dire une unité plus ou moins importante de combattants. Le premier de ces émirs s'appelle Habib Amadou. Mais il est plus connu sous son nom de guerre, Abu Zed. De l'avis des spécialistes de la question, ce serait le plus violent et le plus radical des chefs terroristes du Sahel. C'est lui qui serait à l'origine de l'enlèvement des 7 salariés d'Arriva au Niger et qui aura aussi tué le Français Michel Germano et le Britannique Edwin Dyer. Oui, des otages. D'où sa réputation de férocité. Alors d'où vient-il? Il serait originaire du sud algérien, près de la localité d'Assimé Saoud. Et il serait basé quelque part dans le nord du Mali. Cependant, comme tous les combattants d'ACMI présents au Sahel, il ne cesserait de se déplacer. Oui, pour éviter d'être localisé. Ouais. Ce petit homme à barbichette, qui ne paie pas de mine, aurait commencé sa carrière d'émir terroriste en enlevant en 2008 un couple d'Autrichiens dans le sud de la Tunisie. Il est passé lui aussi par le GIA? Oui, il aurait alors été l'un des hommes de main de ce personnage douteux dont je vous ai parlé, El Para. Il y a beaucoup de conditionnels dans votre récit. Hein. Ah bah parce qu'il faut faire la part de la légende. Certains prétendent même que le nommé Amadou, son vrai nom, aurait été liquidé au cours des années 90 par l'armée algérienne dans le Sahara. Et l'homme qui se fait appeler Abou Zed serait en réalité un certain Gadir, un berger analphabète qui aurait d'abord été contrebandier. Ouais. Et au fond, peu importe, hein, c'est bien ce que vous pensez. Oui, le seul Européen qui l'a rencontré et qui s'en est sorti vivant est l'ancien otage, Pierre Kamat. Il évoque un petit maigrichon sans charisme, mais qui, pourtant, semble très respecté par ses hommes. Ces hommes, justement, là, combien? Sa katiba regroupe près 200 hommes. Et l'autre émir, alors? Il s'appelle Mokhtar Belmokhtar. dit le Borgne, parce qu'il aurait perdu un œil en combattant en Afghanistan. Lui aussi est originaire du sud algérien et on dit qu'il a été colonel dans l'armée. L'armée algérienne, donc. Mmh. Et son théâtre d'opération, celui-là ? Il se déplace dans l'ouest du Sahel, c'est-à-dire près de la Mauritanie. Et d'ailleurs, alors qu'il appartenait au GSPC, il aurait été le premier à créer une section de l'organisation dans la zone sahélienne. Un précurseur, en somme. Mais sa particularité, c'est, si je puis dire, ses talents de contrebandier. On l'a même surnommé pour cette raison Monsieur Marlboro. Oui, parce qu'il faisait la contrebande de cigarettes. C'est ça. Ça lui a valu quelques ennuis avec ses amis islamistes qui l'ont déchu de son titre de principal dirigeant du GSPC au Sahel. Mais le Beck Mokhtar n'en a cure. D'abord parce qu'il est à la tête d'une katiba prospère, grâce à la contrebande. Parce qu'il n'y a pas que les cigarettes. Le Borgne est aussi un trafiquant d'armes. En outre, Beck Mokhtar jouit du prestige d'avoir combattu en Afghanistan. Ouais, où il a perdu son œil. Ouais. Est-ce qu'il existe une compétition là, entre les deux émirs ? Oui, l'enjeu c'est bien sûr la place de numéro un d'Acmi. Et ça se traduit aussi par une rivalité territoriale. Abou Zeid, par exemple, n'a pas apprécié que Beck Mokhtar ait conduit une incursion armée dans sa zone, le nord du Niger. C'était une réponse du berger à la bergère. En 2009, les hommes d'Abou Zeid ont organisé un raid à Tombouctou où ils ont tué un officier de la sécurité malienne. Est-ce que ça pourrait aller, là, cette confrontation, jusqu'à un vrai conflit armé entre les deux katibas ? Tout est possible. Mais pour l'instant, on assiste plutôt à un partage des activités et des ressources. Abou Zeid s'est plutôt spécialisé dans la prise d'otages, tandis que Beck Mokhtar préfère la contrebande et la taxation des trafiquants de la région sahélienne. Enfin, il faut signaler l'émergence d'un petit nouveau. Un autre émir, hein. En effet. Mmh. Et c'est très intéressant parce que celui-là n'est pas un expatrié algérien. C'est un autochtone, un Touareg malien, Abdelkrim, comme on le nomme, aurait joué un rôle de premier plan dans la prise d'otages des employés d'Arriva d'Arlit. Mais vous m'avez dit que c'était Abou Zeid là, qui était responsable de cette opération. Certainement. Cependant, ce sont sans doute les hommes d'Abdelkrim qui ont agi sur le terrain et ont ensuite remis les otages aux mains d'Abou Zeid, qui, pour éviter toute tentative de récupération par la force, les aurait disséminés dans sa zone d'influence au nord du Mali. Mais il ne faut pas vous étonner. Les otages sont souvent l'objet de véritables négociations commerciales où interviennent parfois plusieurs intermédiaires. Ouais, les otages se vendent et s'achètent. Et ils valent très cher. Le gouvernement espagnol a par exemple versé au moins 1 million de dollars par tête pour récupérer 2 de ses compatriotes. Mmh. Est-ce que la France a déjà payé ? Oh, c'est très probable. Mais vous le savez, à Paris, on a maintenant décidé de changer de politique. Et d'user de la force. Au lieu d'entamer des négociations financières avec les preneurs d'otages, oui. Et on a eu 2 exemples récents. D'abord en juillet 2010, où on a vu un commando franco-mauritanien attaquer un camp d'Acmi au nord du Mali. Mmh. Ouais, parce qu'on pensait y trouver Michel Germano. Hein. Mais le Français ne s'y trouvait pas. 7 terroristes ont été tués. Mais 3 jours plus tard, Acmi a annoncé avoir assassiné Germano. Un échec, donc. Apparemment. Mmh. Mais selon certaines sources, les Algériens qui auraient indirectement participé à cette opération n'auraient peut-être pas joué franc jeu. Le deuxième exemple est encore plus récent. C'est la tentative malheureuse de récupération des 2 jeunes Français enlevés au Niger au début du mois de janvier. Les militaires français ont provoqué la mort des 2 otages en essayant apparemment d'intercepter le commando d'Acmi avant qu'il ne gagne une zone impénétrable. C'est exact. Et c'est là toute l'ambiguïté de la lutte antiterroriste au Sahel. Car il faut bien le reconnaître, malgré les satellites, malgré les avions d'observation, et aussi, malgré la surveillance incessante des télécommunications, les Occidentaux demeurent impuissants à localiser les camps de terroristes afin d'intervenir par la force pour libérer leurs otages. Oui, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, c'est à peu près ça. Et pourtant, les Occidentaux, essentiellement les États-Unis et la France, ont mis en place d'importants moyens pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Dès 2002. Washington a commencé à s'y intéresser sérieusement. Mais c'est surtout à partir de 2005 qu'a été mise au point l'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme. Un plan doté d'un budget de 60 millions de dollars. Et les Américains ont installé un commandement géographique régional, l'AFRICOM, bizarrement situé en Allemagne. Ouais, bizarre. Mais pratiquement, ça donne quoi ? Oh, l'idée, c'est d'aider les différents pays de la région à conduire eux-mêmes le combat contre le terrorisme. Sans intervenir directement. Oui, c'est le principe. Mais les Français, depuis les dernières prises d'otages, ont positionné des éléments des forces spéciales, au moins au Niger et au Mali. Quant aux Américains, ils voudraient bien persuader Alger de les laisser édifier une base permanente dans le Sahara. Mais ce n'est pas gagné, car les dirigeants algériens entendent rester maîtres chez eux. Et l'aide apportée aux États du Sahel est-elle efficace ? Pas vraiment. Et d'abord parce qu'il s'agit de pays qui figurent parmi les plus pauvres du monde. Ensuite, leurs intérêts sont divergents. Le Mali, par exemple, une des rares démocraties de la région. Son président, qui a dû faire face très longtemps à une rébellion de ses Touaregs, n'a pas du tout envie de réveiller ce conflit en servant de base arrière aux unités antiterroristes. Mmh, parce que les Touaregs pourraient se sentir solidaires des combattants d'ACMI. Et pour eux, la tentation est permanente. Il faut ajouter que les Maliens ne se sentent pas vraiment concernés par cette affaire. Pourtant, le nord du pays est pratiquement aux mains d'ACMI. Hein. Oh, une région désertique uniquement fréquentée par les Touaregs. Non, non, pour eux, la lutte antiterroriste, c'est d'abord une affaire de blanc. Autre pays, le Niger. Un pays excessivement pauvre malgré son uranium. Le Niger aussi a souvent connu des rébellions Touareg. Et son seul vrai souci, c'est de sécuriser les mines d'uranium exploitées par Ouais. Et la Mauritanie, alors ? Elle demeure très prudente, même si c'est sans doute le pays qui lutte le plus efficacement contre les bandes d'ACMI. Mais elle a très peur de passer pour la courroie de transmission de la France. C'est pourquoi elle a récemment gracié un certain nombre de prisonniers islamistes. Non, dans le seul pays qui pourrait jouer un grand rôle, c'est l'Algérie. Mais pour les raisons que je vous ai dites, Alger n'a pas envie de s'engager à fond dans le Sahel, parce que les généraux sont d'abord préoccupés par le terrorisme qui sévit chez eux. Ouais. Et ils sont ravis de constater qu'une grande partie de ces combattants a migré vers le Sahel. Oui, d'ailleurs, ces généraux ont un comportement d'autruche. Pour eux, ACMI est une invention des journalistes européens. Et officiellement, on n'en parle jamais à Alger. Donc rien ne s'oppose vraiment à ce que ACMI continue à perpétrer des attentats et des prises d'otages ? Contre la France et ses intérêts en particulier. Mais voyez-vous, je vois quand même une raison d'espérer. Le printemps arabe, tel qu'il se développe aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen ou à Bahreïn, est aussi une défaite de l'islamisme tel que le conçoit Al-Qaïda. Cette volonté de démocratisation va exactement à l'encontre de la création d'un califat panarabe tel que le préconisent les petits émirs d'ACMI. À samedi prochain sur franceinter.com, vous trouverez comme d'habitude les références des livres cités. Je vous signale aussi la parution récente à la découverte d'un livre fort intéressant de Jean Guinel, « Les armes de corruption massive » où le journaliste du Point livre « Quelques secrets des marchands d'armes », un sujet d'actualité. Et aussi à propos des liens entre ACMI et les trafics dans la zone sahélienne, de Christophe Champin, Afrique noire, poudre blanche, l'Afrique sous la coupe des cartels de la drogue, chez André Versailles, éditeur. Autre parution notable, Histoire et collection, vient de publier un ouvrage illustré sur l'histoire de la CIA, 60 ans d'action clandestine, de Pascal Lopotrema et Eric Micheletti. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Stéphane Combe, Michel Billou qui l'ont réalisé et à Monsieur Joub, bien sûr, qui l'a mise en musique. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.